l'argent. Je l'aurais laissé. Quoi? Pourquoi t'as fait ça? Cet argent était à moi. C'est pas de l'argent honnête. Je refuse qu'il traîne à la maison. Tu m'entends? Mais il était à moi. Je ne veux pas que tu t'approches de ce type. S'il te plaît, écoute-moi. Que je ne te revois pas avec ce type, Calogero. Mais écoute-moi. Non, c'est toi qui vas écouter. Je ne veux pas te voir avec ce type. Sonia a raison. L'ouvrier est un con. Ouais, un con. Il a tort. C'est facile d'appuyer sur la détente. Mais se lever tous les matins et aller travailler pour essayer de survivre, ça, c'est plus difficile. Alors qui c'est le vrai dur dans l'histoire? Eh ben, je vais te le dire. C'est l'ouvrier. Oui, c'est ton père, le vrai dur. On vous a dit de ne pas faire chier le rap. On fait avec ce qu'on a. Maintenant ou jamais. Touche pas, touche pas, touche pas à ma musique. Paraît que je suis qu'un petit con, que je pense qu'à faire la merde. Je suis plus doué à décevoir qu'à rendre fier ma mère. Je galère à mort dans la bouche, j'ai pas de cuir d'argent. On me dit de marcher droit, mais comment faire des comptes à amputer l'argent? Mais cela l'argent, trop de frères ont dévalé la bande des guns. Fini sur la tombe quand insupportable est l'attente. En fait, je veux vivre à 100 à l'heure, ne pas avoir le temps de m'en faire. Bouger les têtes du Tchèque et de la France entière. Y'aura pas de piste, pétale la tise au cannabis. Des frères tirent au sclacla, bis, fils. Est-ce qu'ils veulent le vice? Car il est vice et rate. Je voudrais partir loin. Loin de nos vies misérables. Ne plus entendre les politiciens locasses, frérot. Ça fait longtemps, viens kicker un César locasse. C'est la chronique, ça vise la qualité du texte. N'y mets pas les pieds si t'es pas calibré, tu dead. La haine m'aime, et même si la zig ne me mène nulle part, elle est mon remède. La seule à qui m'en remettrait. C'est pas de mal avec, je m'arrêterai. Ils pop près trop, dis leur dindin, on va leur montrer. C'est trop de la chronique, voilà un putain de concentré. C'est du messard à la prod, trop gonflé comme de la prod. Si t'es un chien gros, troque la contre la troc. On veut se mettre bien avant de décéder. On fait des thèmes, t'sais, qui respire l'anxiété. Plus je grandis, plus je vois que ma femme c'est elle. Je lui ferai des gosses si sous c'était. En ces termes, je vous explique que je veux baiser la société. Ils ont pas compris que j'avais le rap dans la peau. Que je décolle dès que j'ai le micro dans la peau. Regarde ce qu'il m'apporte pour ma part. C'est le seul qui me frappe pas de coup de pute. Les super bars m'apporteraient un putain de coup de pute. Les gens ne croient pas en toi, ne les écoute plus. Pourtant pour les faire taire, j'apporte un putain de coup de plume. Coup de plume. On vous a dit de ne pas faire chier le rap. On fait avec ce qu'on a. Maintenant ou jamais. Touche pas, touche pas, touche pas à ma musique. On vous a dit de ne pas faire chier le rap. On fait avec ce qu'on a. Maintenant ou jamais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je te parlerai pas du monde, car elle se fout de moi. Dans ma tête, attention monte, et ça depuis des mois. Si tout pète un jour, dis-moi pas c'est où ça m'a. Quand je te parle du nord, dis-moi pas c'est où ça manne. Une partie de ma jeunesse, son bitume m'a zoné. Dans vos cerfs, 10 pètes par jour, tu pouvais pas me raisonner. Ouais, je me perds un peu tout part dans les oreilles, un peu tout bac. Gros, t'as pas d'études, faut que tu penses à faire des thunes. Mais pourtant, c'est pas la zic qui m'en donnera des tonnes. Pourtant, sa bosse monte la basse pour que ça pète et ça détonne. On m'a dit, mon gros, t'es blanc, t'es pas des terres. Écoute, c'est pas tes morts, mais t'es yébis que je déterre. Trop de bras, donne pas tes fesses, écoute, fils. Bientôt, tu verras, y'a plus tes potes, écoute, fils. Ok, j'ai le verre de trop, regarde comment je titube. Putain, j'ai pas de feu pour, mais fume mon petit tube. Ok, c'est la chronique. Je verse ma vie un long fleuve tranquille, frère, en restant discret, remplissant la feuille d'anti-stress. Car l'envie me presse, une villa loin du petit appart, la vie m'accable. Je suis plus proche du petit bâtard, du fils à pape. Donc pas à pas, je gratte ma part et gâte à quatre. Je monterai vers les sommets, je manque de sommeil, mais je rêve de loin de contrer. T'as pas compris le contexte, c'est ça la vie qu'on mène. On ne cache pas les larmes de drame sous de petites compresses. Et ouais, mon pote, la vie c'est ça, y'a tout un tas de contraintes. En gros, t'auras pas de contrat si t'as pas contact. Sache que je brasse plus de vent que je brasse de liasse. C'est la crise, même Tarzan s'est pendu au bout de sa liane, gars. Je donne cette sale image, celle d'une vie sans but. Car somnambule, j'agite la plume de façon exécrable. Je rappe le cul entre deux 16, une valeur sûre, on reste hip hop. C'est la chronique, nique le chromie, loin de la presse, people. On vous a dit de ne pas faire chier le rap. On fait avec ce qu'on a. Maintenant ou jamais. Touche pas, touche pas, touche pas à ma musique. On vous a dit de ne pas faire chier le rap. On fait avec ce qu'on a. Maintenant ou jamais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Soi-même, soi-même, soi-même.